Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Peter Lorre, le maudit, de Berlin à Hollywood. C'est un film en noir et blanc de 1931, devenu mythique. Dans le quartier ouvrier d'une ville allemande qui est sans doute Berlin, des petites filles s'attardent à la vitrine d'un magasin de jouets. Sur une colonne, une affiche en écriture gothique promet 10 000 marks pour la capture du meurtrier d'enfants qui terrorise la ville. L'homme par-dessus et chapeau mou qui vient d'offrir un ballon à la petite Elsie Beckmann et part avec elle en sifflotant, cet homme en apparence comme les autres, vous l'avez peut-être reconnu, c'est M le maudit, le héros du film de Fritz Lang, interprété par le génial Peter Lorre. Son premier rôle au cinéma, mais Peter Lorre l'ignore encore, ce rôle va lui coller à la peau toute sa vie. Même lorsque 2 ans plus tard, l'acteur juif devra fuir l'Allemagne, livré à un autre meurtrier à grande échelle, celui-là. Et que, comme beaucoup d'autres exilés, il tentera sa chance en Amérique, dans les studios de Hollywood. C'est cette histoire que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Loup Bourget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'études cinématographiques à l'École normale supérieure et critique à la revue Positif. L'acteur Peter Lorre, vous le connaissez bien puisque vous avez consacré un livre à Fritz Lang, le réalisateur qui lui donna son premier rôle au cinéma dans M le Maudit. Comment se fait-il que cet acteur au physique si particulier soit dans les esprits si indissociables donc de ce personnage M, le tueur d'enfants de ce film? C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, c'est son premier rôle au cinéma. Il a fait un peu de théâtre avant, notamment avec Bertolt Brecht. Mais il est devenu, dans la mémoire collective, définitivement associé à ce personnage de M le maudit, M le meurtrier, le serial killer, comme on ne disait pas encore en 1931, mais enfin c'est bien ça, le tueur de petites filles. Il y a eu identification entre l'acteur et le personnage. C'est une des clés du succès du film, du succès de l'acteur, et c'est un peu une malédiction en même temps pour lui, qui sera souvent cantonné à des rôles de maniaque, un petit peu, oui, d'assassin, de maniaque, d'illuminé, d'halluciné. C'est aussi en partie dû sans doute à un physique qui est tout de même très frappant. Il est petit, il est assez rond, il a ses yeux immenses, oui, qu'on a comparé à des soucoupes, à des œufs au plat. Enfin, c'est un physique très typé. Étonnante, une voix assez douce. Une voix très douce, parce que c'est très clair dans ce film. Il a en même temps des aspects extrêmement humains. C'est une sorte de monstre et en même temps, il est plein d'une certaine gentillesse, seulement ça tourne mal. C'est pour ça que son interprétation est très intéressante. Avant de raconter l'histoire de cet acteur dont la vie était bouleversée par le nazisme et la Seconde Guerre mondiale, pourriez-vous, Jean-Loup Bourget, nous rappeler ce qu'était le cinéma allemand dans les années 20? Est-ce qu'à cette époque, Berlin a été la capitale européenne du cinéma? Certainement une des capitales mondiales du cinéma. Les studios de Babelsberg, à côté de Berlin, sont en pleine activité avec des metteurs en scène extrêmement prestigieux, dont certains vont prendre le chemin de l'exil, donc ça sera pour des raisons extra-cinématographiques. D'autres, Hollywood leur a fait des avances, parce que justement le cinéma allemand était considéré à juste titre comme techniquement, économiquement très puissant. Il y a eu à l'époque du muet, il y a eu des gens comme Lubitsch qui, lui, est parti pour Hollywood dans les années 20. Il y a eu des gens comme Murnau, qui est également parti pour Hollywood et qui se tuera prématurément dans un accident de voiture. Et il y aura, évidemment, Fritz Lang, qui est probablement, du point de vue non seulement artistique, mais aussi du point de vue économique, le cinéaste allemand le plus important de l'époque, qui réalise des super productions comme Metropolis, qui est aussi un film qui aura une diffusion mondiale. Et Fritz Lang, à son tour, partira pour les États-Unis. Évidemment, le visage du cinéma allemand sera assez profondément transformé, même si sous le nazisme, ça restera une industrie très importante. Pas tellement d'ailleurs à des fins de propagande, mais plutôt pour montrer aussi que l'Allemagne peut rivaliser avec Hollywood sur le plan de la comédie, du mélodrame et du film. Oui, mais les grandes figures, les grands artistes seront partis. C'est assez compliqué. Il y en a qui reviennent. Pabst, on n'a jamais très bien compris pourquoi, parce que Pabst était vraiment un homme de gauche, et finalement, il est revenu en Allemagne. Et puis, il restait d'assez complexe. Oui, il restait de grands cinéastes. Veit Harlan, qui a fait ce film assez épouvantable, Le Juif Zeus, qui est un film explicitement antisémite, a aussi fait de grandes productions en couleur, en Agfa Color. Une des grandes stars du cinéma nazi, c'est une actrice d'origine suédoise, Zara Leander, qui sera un peu la réponse au départ de Marlène Dietrich et de Greta Garbo pour Hollywood. Jean-Loup Bourget, on se retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien. Tout de suite, Peter Lorre, le maudit, de Berlin à Hollywood. Un texte de Stéphane Michaka, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Pascal Deux. Dommage. J'ai raté le dernier tram. J'avais devoir longer le zoo pour rentrer. J'en ai pour une heure de marche au moins. Célia sera à la maison avant moi. Si elle ne jouait pas au théâtre, elle serait venue assister à la première. Quel triomphe. J'avais l'impression que les murs de l'Ufa Palast allaient craquer sous les applaudissements. Film de Fritz Lang. Il n'y avait pas mon nom sur l'écran. J'aurais pu le mettre quand même. Avec, dans le rôle du criminel psychopathe Hans Beckert, Peter Lorre. Oh, les fauves ne sont pas couchés. Je vais m'éloigner des grilles. Berlin, 11 mai 1931. Les yeux exorbités, le visage poupin et la silhouette frémissante d'un certain Peter Lorre sont à l'affiche du film M, rebaptisé M le maudit lors de sa sortie française. Premier film parlant de Fritz Lang, M illustre le climat paranoïaque qui précède l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Dans ce film, la police et la pègre pourchassent un tueur d'enfants, un assassin victime de ses démons, magnifiquement interprété par Peter Lorre. Cet acteur de 27 ans, né Laszlo Löwenstein dans une famille juive de Slovaquie, peut enfin donner toute sa mesure. Mais pour combien de temps? Les SA, faction paramilitaire du parti nazi, défilent en chemise brune à travers le pays. Des slogans antisémites résonnent dans les rues de Berlin. Qu'ils soient commerçants, artisans, banquiers ou acteurs comme Peter Lorre, les Juifs d'Allemagne sont qualifiés d'ennemis de la nation. C'est ma chanson. La ritournelle du tueur. Quelqu'un m'a reconnu. Marchons plus vite. Il y a des gens qui ne font pas la différence entre l'acteur et son personnage. Certains seraient capables de me mettre les crimes de Hans Beckert sur le dos. Comme si j'étais un tueur de jeunes filles. Hans Beckert? Pardon, Peter Lorre? Qu'est-ce que vous me voulez? Je m'appelle Magda. Magda Rosenberg. Je viens de voir M. Vous êtes sans sas. Sans sas? Vous êtes glaçant, horrible. Génial. Je suis votre plus grande fan. C'était vous, le sifflement? Je le fais pas aussi bien que vous. Je ferai peur à personne, moi. Si. Vous me faites peur. Ah, désolée. Je dois rentrer. Ma femme m'attend. Celia Lovsky? Vous la connaissez? Je vous ai vu jouer ensemble dans Légende de la forêt viennoise. Je rate aucun de vos spectacles. Mais au cinéma, vous êtes encore plus grand. Ça doit être la taille de l'écran. C'est la première fois que je joue dans un film. Un rôle comme ça, moi, j'en rêverais. Un rôle d'assassin? Mais je suis trop jeune. J'ai 16 ans. Un jour, peut-être. Bon. Au revoir, Magda. Oh, Odite, pouvez signer sur mon épaule? Moi? Signer sur... Avec ce bout de craie que j'ai chipé à l'école. Un M. Juste un M sur mon épaule. Ça me portera chance. Ah, quand ils m'ont fait ça dans le film, ça m'a pas porté chance. Faut croire en sa bonne étoile, monsieur Laure. La servitude de la gloire, je suppose. À peine sorti de mon premier rôle à l'écran, je dois tracer un M sur l'épaule d'une gamine. Merci. J'espère que ce film sera vite oublié. Pas envie d'être associé à un tueur d'enfants pour le restant de mes jours. Janvier 1932. 6 mois ont passé depuis la sortie de M. 6 mois durant lesquels la crise économique s'est aggravée. 5 millions de travailleurs sont au chômage. Le peuple allemand, désorienté, cherche un sauveur. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça? Avec un air vindicatif, haineux. On dirait que la brasserie leur appartient. Je vais m'asseoir là pour attendre Celia. Je buvais à cette table il y a 3 ans quand elle est apparue, dans sa robe en tricot viennois. Le coup de foudre immédiat. C'est la veille du krach boursier. Heil Hitler! Il y a encore quelques mois, cet endroit était un repère d'artistes et de saltimbanques. Maintenant, il y a ces types en chemise brune qui bombent le torse et échangent des signes de connivence. Qui leur a payé ces bottes flambant neuves et ces matraques qu'ils dissimulent à peine? C'est dans une brasserie du quartier de Charlottenburg que Peter et Celia se sont rencontrés en 1929. Depuis, ils ne se quittent plus, sauf pour tenir leurs engagements respectifs au théâtre. Dans cette Allemagne en proie à la crise, ils font partie des chanceux. Si la moitié de leurs collègues sont au chômage, tous deux enchaînent les rôles. Mais pour des raisons que Peter peut difficilement avouer, les finances du couple restent fragiles. Tu es là. Je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu lis? Nous exigeons le sauvetage de la nation allemande, réduite en esclavage comme elle est aujourd'hui. L'Allemagne est pieds et poings liés par les traités de paix. Nous n'admettons pas que les générations futures, qui sont complètement innocentes, en subissent le joug. C'est toi qui lis ça? L'Observateur populaire? Mais non. Cette feuille de chou est remplie de croix gammées. Les mêmes que sur les brassards de ces types. Tu as vu comme ils me regardent? On dirait qu'ils m'en veulent pour quelque chose. Oublie-les. On reste pas, de toute façon, tu devais m'emmener choisir une robe. Pour mon anniversaire. Ah. Oui. Mais tout est fermé à cette heure. Peter, ne me dis pas. Quoi? L'argent pour ma robe. Tu l'as dépensé pour t'acheter de la morphine. Ne parle pas aussi fort. Je sais qu'elle te fait oublier tes crampes d'estomac, mais tu dois réduire ta consommation. Sinon, tu vas finir drogué, comme ces touristes qu'on croise près du Luna Park. Pourquoi tu souris comme ça? Mais pour ta robe. Je sais où je vais t'emmener. Allez, Après vous, mademoiselle Lovski. Depuis la défaite de 1918, l'Allemagne, ayant perdu ses territoires d'outre-mer, produit artificiellement ses remontants. Sur le coup d'âme, le boulevard à proximité du plus grand lunaparc d'Europe, on s'enivre de vapeurs toxiques. Berlin attire en masse des touristes avides de drogue et de fêtes. De quoi nourrir les réquisitoires contre une société dissolue, dénoncée autant par les militants communistes que par les nationaux-socialistes. En quête de salut moral et spirituel, la jeunesse se réfugie tantôt dans les milices armées et tantôt dans les salles obscures. Mais je le reconnais, cet endroit. C'est là que tu as tourné. M. Ouais. Cet ancien hangar assez plein nous servait de studio. Je comprends pourquoi le gardien t'a laissé entrer. Il a reconnu... Hans Beckert. La scène finale se déroulait ici. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt bei ihnen? Wie ich tun muss? Will nicht? Muss? Will nicht? Muss! Und dann... Au début des années 30, l'industrie allemande du cinéma est florissante. Son savoir-faire et ses comédiens n'ont rien à envier à Hollywood. L'heure n'est plus aux chefs-d'œuvre expressionnistes du muet, les Caligari et autres Nosferatu, mais les films parlants s'exportent tout aussi bien. Les comédies légères font recette. En dehors de M le maudit, rares sont les films qui abordent la réalité quotidienne, celle du chômage et de la crise. Lorsque Bertolt Brecht s'y essaie, avec un film intitulé « Ventre glacé », la censure dénonce une propagande communiste. Un vrai dictateur, ce Fritz Lang. Il a tourné 13 fois le plan de la botte cloutée qui s'enfonce dans mon tibia. Mon vrai tibia. Tu te souviens? J'ai pas pu marcher pendant 3 jours après ça. Quel sadique. La scène est bonne, hein, je dis pas, mais... Il aurait pu prendre un autre tibia. Mais ça, où vas-tu? C'est ici qu'ils entassent les costumes. Tu as déjà porté une robe comme celle-là? De la soie. De la vraie soie. Un ensemble complet, avec chapeau, cloche et bandeau. On l'emprunte ce soir, et ni vu ni connu, je la rapporte demain. C'est pas vraiment un cadeau, alors? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre des pas. On roule la robe comme un chiffon, on dégarpille. Oh, charmante soirée. Monsieur Laure? Qu'est-ce que vous me voulez? On dirait... On revient sur les lieux du crime, Peter? Herr Lang, vous m'avez fait peur. Vous êtes en ville le mois prochain? Probablement, oui. Alors venez dîner à la maison. Vous et mademoiselle? Lovski. Célia Lovski. Enchantée, mademoiselle. Alors? C'est d'accord? Avec joie. Ah! Sortez par la porte latérale pour que le gardien ne vous fouille pas. Et une fois dehors, soyez prudent. Les assassins sont parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Und der Fisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Après minuit, lorsqu'ils sortent un peu ivres du cabaret Larifari sur Potsdamer Platz, Peter et Célia ont presque oublié les nuages qui s'amoncellent dans le ciel de Berlin. En ce début 1932, les slogans haineux et les bruits de bottes grondent dans la capitale. Pendant ce temps, en coulisses, un chef de parti férocement antisémite compte ses soutiens. Cet homme, un ancien vagabond nommé Adolf Hitler, envisage de se présenter à l'élection présidentielle. Son rival, le chancelier sortant Hindenburg, est âgé de 84 ans. Le quadragénaire Hitler l'appelle le chancelier de la faim. Mais dans la jeune République, rares sont ceux qui perçoivent qu'une apocalypse est en marche. Siffle avec moi. Je sais pas siffler. Comment ? Edoem, quand tu sifflotes ? Oh, j'y arrivais pas. C'est Fritz Lang qui a sifflé à ma place. C'est lui qui a sifflé ? Oh, je suis déçue. Oh, et vite, le tram va partir. C'est quoi encore cet attroupement ? Un défilé militaire. À minuit passé ? Ce sont pas des militaires. Ils portent des chemises brunes comme les types de la brasserie. Et voilà les communistes qui veulent en découdre. Personne ne descend. Célia, tu n'as rien, ça va ? Je crois pas. Et sur un coup de sifflet de leur chef, ils ont grimpé dans un camion et filé sans s'inquiéter de la police. Heureusement, le jeune communiste n'était que blessé. Si notre tram ne s'était pas arrêté, il l'aurait sans doute tué. Célia, un peu de champagne ? Oh, merci. Ces miliciens nazis, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? À part semer la terreur. Quand le chaos deviendra la loi suprême, les temps seront mûrs pour l'empire du crime. Une réplique de notre prochain film, Le Testament du docteur Mabuse. Un film anti-nazi, mais... Chut, faut pas le dire trop fort. Ils veulent prendre le pouvoir par n'importe quel moyen. Santé. Santé. Santé. Certains trouvent ce Hitler insignifiant. Théa ne le trouve pas insignifiant. Il y a 10 ans, Fritz était aussi nationaliste que moi. Maintenant, il est juste opportuniste. Si j'étais opportuniste, je prendrais ma carte au parti nazi. Et y a-t-il un rôle pour moi dans votre prochain film ? Non, Peter. Mais je pensais à vous pour toute autre chose. Oh. Venez, allons discuter dans mon bureau, s'il vous plaît. Venez. Plus trois films par an. Laissons les hommes entre eux. Mon Sauerbraten doit être prêt. Du Sauerbraten ? Vous aimez la cuisine bavaroise ? C'est ma spécialité. Guidés par leurs hôtes dans des directions opposées, Peter et Célia découvrent le duplex que le couple Lang von Harbou s'est fait construire dans le quartier résidentiel de Dahlem. Un véritable cabinet de curiosités, orné de masques africains et de tentures indiennes. Depuis le début des années 20, le cinéaste et sa scénariste défraient la chronique. Juste avant l'avènement du parlant, Metropolis, leur film de science-fiction, a fasciné le monde entier. Les Français y ont même vu un signe alarmant de vitalité germanique. Ce film grandiose se termine par l'alliance du capital et du travail. C'est précisément ce qu'Hitler est en train d'accomplir en ensorcelant des millions d'ouvriers tout en courtisant avec succès le grand capital. Non, il n'est pas encore cuit à point. Oh. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire des yeux si doux à une gazinière. 5 feux de toutes les tailles. La nôtre n'en a que 2. J'en utilise 1 à la fois. On ne pourrait jamais se payer ça. Peter et vous ne manquez pas de travail pourtant. Vous êtes souvent à l'affiche des théâtres. Lui plus que moi. Je gère le quotidien. Il est comme un enfant. Débrouiller ses comptes, éloigner ses créanciers, ça me prend la moitié de mon temps. Et vous l'aimez ? Oh, plus que tout. Je vous le disais, il est comme un enfant. Pas tout à fait ce que j'entends par aimer. Je me dis parfois qu'avec ce qui se passe en Allemagne, les slogans haineux, la violence dans les rues, on serait mieux en France ou aux États-Unis. Vous parlez anglais, vous ? Certainement pas. Le cinéma germanique n'a pas d'égal. Les femmes doivent y prendre toute leur place. Vous aimeriez jouer les potiches à Hollywood, vous ? Vous avez raison, je suis sotte. Je n'ai pas écrit des chefs-d'œuvre, moi. Ah, Le rôti est à point. J'ai plus mangé ce soir qu'en une semaine. C'est sûr. Ça nous change des macaronis à la margarine. Erlang n'était pas aussi prévenant quand on tournait M. Il t'a proposé un rôle ? Pas vraiment. Ah bon ? Alors pourquoi il nous a invités ? Il a mentionné un rôle de brave instituteur dans un film qui se passerait pendant la Grande Guerre. Toi, en brave instituteur. Il a très vite changé de sujet. Il m'a demandé si on m'avait contacté pour travailler à Hollywood. Et si je songeais à partir. C'est fou, non ? Peut-être pas si fou que ça. Les boulevards sont déserts. Les gens ne sortent plus. À force de huer, siffler, interrompre les spectacles, les nazis vont finir par atteindre leur but. Semer la terreur et mettre les juifs dehors. Oui, il serait peut-être plus prudent de partir, le temps que les choses se tassent. Mais je ne parle pas d'autre langue que l'allemand, pas d'autre langue que la mienne. Ah, non, Rosa, pas quand je me démaquille. Je ne suis pas Rosa, mais un admirateur anonyme. Qu'est-ce que vous faites dans ma loge ? Kurt Weill, Bilbao Song, musique cosmopolite. La pièce vous a plu ? Vous permettez ? Non, je n'ai pas vu la pièce. Je vais surtout au cinéma. Ah ? Vous étiez formidable dans M. Un film excellent. À l'opposé du sentimentalisme humanitaire. Un vibrant plaidoyer en faveur de la peine de mort. Mais c'est tout le contraire. Très convaincant. S'il le désire, Herr Lang sera notre metteur en scène. Amusant, ces costumes militaires. Notre ? Vous avez dit notre metteur en scène. Si le Parti national-socialiste continue sur sa lancée, nous sommes déjà le premier parti en Allemagne. Il nous faudra mettre en place une radio d'État. Nous voulons pour elle les meilleurs acteurs. Des gens comme vous, Monsieur Lohr. Vous savez que mon vrai nom, c'est Löwenstein. Nous le savons. Vos rôles en tiendront compte, bien entendu. Radio d'État. Je préfère jouer au théâtre ou au cinéma. Ils font aussi partie de notre programme. Bonne nuit, Monsieur Löwenstein. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Else Beckmann. Ce regard implacable, ses lèvres cousues comme une cicatrice. Ma main au feu, que c'était le sbire de Hitler. Ce sinistre docteur Goebbels. Il restait à 3 mètres de moi et j'avais l'impression de sentir sa main glacée sur mon épaule. Comme si le vampire de Nosferatu était entré dans ma loge. À quelques jours de Noël 1932, sur la Tauentzienstrasse, Peter Lohr se fraye un chemin parmi les colporteurs et les mendiants qui revendent jouets et chiffons ou tirent des sons plaintifs d'une scie musicale. Depuis sa sortie du théâtre, une ombre frêle a suivi l'acteur. Monsieur Lohr ? Monsieur Lohr ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous étiez sans sas, vous savez. Je te reconnais. C'est toi qui m'as fait tracer un M sur ton épaule. Tu ne devrais pas te promener seule aussi tard. Monsieur Laure, c'est quoi un arien? C'est quelqu'un à qui on ne ressemblera heureusement jamais. Ni toi, ni moi. Est-ce que je pourrais jouer dans un film, même si j'ai rien d'une arienne? Pas si les nazis prennent le pouvoir. Et si je pars à Hollywood? Tu parles anglais? Je parle qu'allemand. C'est un handicap. Ça peut le devenir, maintenant que le cinéma est parlant. Vous parlez combien de langues, monsieur Laure? Je suis comme toi. Je ne parle qu'allemand. Quand est-ce que vous quittez le pays, alors? Comment tu t'appelles? Magda Rosenberg. Tu as une jolie voix, Magda. Vous m'écrirez? Depuis Hollywood? Depuis Hollywood? Qu'est-ce qui te fait penser que... Je suis vendeuse au grand magasin. Le KDV. Équipement pour bébé. Écrivez-moi là-bas. Le 30 janvier 1933, agissant dans le cadre de la Constitution de Weimar, le président Hindenburg confie la chancellerie à Adolf Hitler. C'est une concession faite au parti nazi dans un cabinet à majorité conservatrice. On pense pouvoir tenir la bride au Führer. Mais maintenant que leur chef est au plus haut niveau de l'État, plus rien ne retient les commandos SS, se substituant au SA, de se livrer à des purges. Célèbres, exposés, les professionnels du cinéma sont une cible privilégiée. Pour la plupart, on sait où ils habitent. Allô? Peter, c'est Sam. Sam Spiegel. Écoute. Sam? Je reconnais pas ta voix. M'interromps pas. Écoute ce que j'ai à te dire. Les SS, les SA, peu importe. Ce soir, à minuit, ils vont nous faire la peau. Qui t'a dit ça? La peau, je te dis. C'est mon coiffeur qui m'a averti. Il sait que je produis des films et il t'a mentionné aussi. Moi? Alors écoute, dès que tu raccroches, tu files à la gare. Tu prends un billet pour Leipzig. Et de là, tu vas rejoindre Célia à Vienne. Elle y est toujours. À l'hôtel impérial, oui. Écoute, le temps de faire ma valise et... Pas de valise! Personne doit se douter que tu quittes le pays. La gare est truffée d'informateurs nazis. Si on te pose la question, dis que tu pars en week-end. Un mot de trop, et tu es mort. Sam? Sam? Sam disait vrai. Ces types en civil qui se lançaient des regards de connivence sur le quai. Les nouveaux maîtres du pays. Je viens de comprendre comment ils ont manœuvré, en transformant un peuple entier en délateur et en mouchard, en donnant aux gangsters des airs de justicier. Comme dans M, j'étais le héros de ce film, et il a contaminé ma vie. Heures après la fuite de Peter Laure, l'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, sert de prétexte à Hitler pour ordonner la suspension des libertés individuelles. L'Allemagne tombe définitivement sous la coupe des nazis. Los Angeles, juin 1943. 10 ans ont passé depuis que l'acteur Peter Laure et le cinéaste Fritz Lang ont fui l'Allemagne nazie. Alors que l'Europe est à feu et à sang et qu'à leur tour les États-Unis sont entrés dans la guerre, les deux hommes se retrouvent dans une élégante villa de Santa Monica Canyon, dont la terrasse ouvre sur le Pacifique. Les exilés de Weimar, artistes et intellectuels apatrides, viennent échanger des souvenirs. L'accent de Berlin ou de Vienne affleure au détour d'une phrase, même si, par répugnance pour le nazisme, certains, comme Fritz Lang, s'appliquent à ne plus prononcer un mot d'allemand. Peter? Ah, Herr Lang. Ou dois-je vous appeler Signor Ugarte? Je préfère Joël Cairo. J'ai eu plus de scènes dans le Faucon Maltais que dans Casablanca. Ces derniers temps, je ne lis que des comic strips. Un vrai condensé de la vie américaine. Et qu'est-ce qu'on y apprend ? Eh bien, par exemple, en argot, une femme se dit chick, bird ou doll, poussin, oiseau ou poupée. Vous comprenez pourquoi les mâles américains sont aussi anxieux. Un poussin ou un oiseau finissent toujours par s'envoler. Quant à une poupée, on ne peut jamais savoir ce qu'elle pense. Très juste. Célia n'est pas avec vous ? On vient de... On a divorcé il y a quelques mois. C'est mieux comme ça. Elle en avait assez de son rôle d'infirmière. Je n'ai pas, tout à fait réussi à me libérer de la morphine. L'Amérique ne vous réussit pas, Peter. Ah, si. En 5 ans, j'ai joué dans 16 films. Des rôles de maniaque homicide pour la plupart. Ah, et aussi un agent secret, un savant désabusé, un pilier de bar et un bibliothécaire assassin. Même dans les films en couleur, l'ombre de M me poursuit. Au fait, que devient Théa, votre ex-femme ? Elle a mis son talent au service de Goebbels. Pour survivre, elle a écrit une 20aine de films de propagande, tous plus pitoyables les uns que les autres. Goebbels aura été notre passeport pour Hollywood. Vous savez qu'il m'a convoqué un jour ? Il m'a dit qu'en voyant Métropolis, Hitler s'était exclamé « Voici l'homme qui créera le cinéma national-socialiste ». J'ai quitté l'Allemagne le soir même. À peu de choses près, c'était pareil pour moi. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous ai demandé si une certaine Magda Rosenberg... Ah oui, votre jeune admiratrice. Vous la croyez encore dans les studios berlinois, comme figurante ou secrétaire ? Elle travaillait à 16 ans dans un grand magasin, mais son rêve était de faire du cinéma. J'ai posé la question à mon ancien assistant. Il n'a trouvé aucune trace d'elle. Ah ? Magda Rosenberg, une jeune femme juive à Berlin après la nuit de cristal, après le début de la guerre, qu'espériez-vous au juste ? Je ne sais pas. Elle n'est pas dans un studio, Peter. Elle est dans un camp, si elle est encore en vie. Entre les collines de Beverly Hills et la plage de Santa Monica, passé 1h du matin, l'odeur salée de l'océan se mêle aux effluves d'eucalyptus. Un petit homme à la silhouette embarrassée, un acteur berlinois que Charlie Chaplin appela un jour le plus grand acteur d'Europe, rentre chez lui d'un pas traînant, dans une cité des anges où les voitures sont reines et les piétons suspects. Peter Lorre a encore 20 ans devant lui. Il ne retournera jamais vivre en Allemagne. Je me demande où est Célia en ce moment. Je faisais le fier au moment du divorce, mais elle me manque plus que je m'y attendais. Une fois rentrée, je lui passerai un coup de fil, même s'il sera 2h du matin. Je voudrais qu'elle me redise ce poème de Brecht dont je n'arrive pas à me souvenir. Ça s'appelle « Au sujet du mot émigrant », je crois. J'ai toujours trouvé faux le nom qu'on nous donnait. Émigrant. Mieux vaut dire expulsé. Nous n'avons pas choisi l'errance, ni opté librement pour un autre pays, afin d'y rester, si possible, pour toujours. Car en vérité, nous avons fui. Des déplacés, des bannis. Voilà ce que nous sommes. Je m'appelle Magda. Magda Rosenberg. Et le pays qui nous accueille ne saurait être un foyer, mais plutôt une terre d'exil. Vous m'écrirez depuis Hollywood. Chacun de nous, marchant, souliers déchirés à travers la foule, témoigne de la honte qui salit notre pays. Mais aucun d'entre nous ne va rester ici. Le dernier mot n'a pas encore été dit. croire en sa bonne étoile, monsieur-là. Peter Lorre, le maudit, de Berlin à Hollywood, Stéphane Michaka, avec Peter Lorre, Joachim Salinger, Celia Lovski, Marion Malenfant, Magda Rosenberg, Pauline Hautepin, Fritz Lang, Pierre Beau, Théa von Arbou, Sarah Karbasnikov, Le Visiteur, Joris Casanova, Sam Spiegel, Gérald Maillet, avec les voix d'Othello Vilgar, Thomas Pontier et Yuri Savalniouk. Bruitage, Sophie Byzantz. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus et Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Pascal Deux. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Peter Lorre et M. le Maudit avec mon invité Jean-Loup Bourget. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Thank you. Cat Power, In Your Face, sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté de Marie-Claire Matoute, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Stéphane Beaujat. Jean-Loup Bourget, pour toujours, le nom de Peter Lorre, donc, restera attaché à celui de M. le Maudit, le héros de Fritz Lang. Ce film est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Pour quelle raison ? Je crois que c'est un film très caractéristique de ce qu'il y a de meilleur dans l'œuvre de Lang et dans la direction d'un acteur comme Peter Lorre dans ce rôle précis, parce que c'est à la fois un film réaliste qui rend bien compte d'une sorte de réalité quotidienne, sociale, institutionnelle de l'Allemagne de l'époque, avec cette description de la rue, des passants, des familles, la mère qui attend sa fillette au début du film, et puis la police, le commissaire Lohmann, et qui reviendra dans le testament du docteur Mabuse, et puis la pègre et les intérêts économiques et institutionnels donc des uns et des autres. Et donc derrière cette apparence parfaitement réaliste d'une sorte de fait divers, mais c'est aussi une espèce d'allégorie, et c'est là que on voit que Lang est quelqu'un d'assez complexe, qui ménage évidemment des surprises, c'est-à-dire que en gros, on passe d'une première partie où on voit ce criminel, cet assassin, qui est donc l'objet d'une traque d'abord vaine de la police, puis qui réussit de la part de la pègre, qui trouve que la police est un peu trop active de façon générale, donc ça empêche les affaires de se faire de façon normale et habituelle. Et puis il y a un basculement graduel, qui fait que le spectateur est tout de même amené, enfin certains spectateurs, surtout à l'époque, mais il me semble que l'intention de Lang est bien de montrer que il y a le problème de la responsabilité, qui est un problème juridique éternel, toujours présent. Même un monstre, si vraiment il n'a fait que céder à des pulsions absolument incontrôlables, la plupart des sociétés considèrent que il faut le mettre dans un asile, mais il faut pas le condamner à mort. Donc il y a ce renversement qui fait que tout de même la parodie de tribunal de la pègre, c'est quelque chose d'inadmissible. On peut voir aussi dans ce film peut-être une critique de la République de Weimar, puisque on voit des politiques en train de boire, de manger, incapables de trouver le meurtrier, d'avoir une réaction. Il y a quelque chose un peu d'une critique malgré tout politique. C'est-à-dire, moi je pense que pour en venir au personnage du commissaire Lohmann, qui est manifestement un bon vivant, qui aime boire, fumer, aller à l'opéra, enfin qui jouir de tous les plaisirs de l'existence, mais en même temps, c'est quelqu'un de déterminé et qui va finir par retrouver la trace de Hans Beckert. Alors qu'on y voit une critique de l'inefficacité des institutions, disons que c'est une brèche par laquelle alors les nazis se sont engouffrés. Goebbels a écrit sur le film en disant « remarquable ». Les institutions existantes sont inefficaces, donc la pègre a tout à fait raison de prendre l'affaire en main, il faut la manière forte. Et donc Goebbels, comme il est dit dans la fiction, pense que c'est un film qui milite pour la peine de mort. Et pour Goebbels, bien entendu, il est évident, il va sans dire, que Hans Beckert est juif, alors que rien dans le film ne le dit. Ne le suggère. Alors pendant longtemps, Fritz Lang a prétendu avoir quitté l'Allemagne juste après l'interdiction de son film suivant par les nazis, Le Testament du docteur Mabuse, et une entrevue qu'il aurait eue avec Goebbels, qui lui aurait demandé de prendre la tête du cinéma nazi. Fritz Lang serait parti en n'apportant même pas une valise. Est-ce que c'est une histoire totalement imaginaire ? Non, elle n'est ni totalement imaginaire, ni totalement véridique. Bon, on sait aujourd'hui que cette histoire telle que Lang l'a racontée, oui, le soir même, et sans valise pour ne pas attirer l'attention. Bon, ça n'est pas vrai, ça n'est pas corroboré par le journal de Goebbels qui est aujourd'hui intégralement publié, mais il est parti en juillet ou août 33. Donc on peut pas dire qu'il se soit posé beaucoup de questions très longtemps. Mais enfin, il a gardé des rapports avec l'Allemagne pendant assez longtemps. Il y a une part de vérité. Je précise aussi que la scène où Peter Lord, dans la fiction, reçoit la visite dans sa loge de ce mystérieux visiteur Goebbels est imaginaire. En revanche, le départ précipité de Peter Lord, lui, est bien réel. Le coup de téléphone de son ami, les menaces de mort, le départ en train en février 33, deux jours avant l'incendie du Reichstag. Il y avait une véritable menace de mort sur le monde du cinéma, où notamment les Juifs étaient assez présents. Hitler, dès sa prise de pouvoir en janvier 1933, très vite, il prend des mesures pour les exclure du cinéma. Et donc, on compte entre 1933 et 1939 environ 800 professionnels du cinéma allemand qui partent. Ah mais la menace est tout à fait réelle, et particulièrement quand on est d'origine juive, bien entendu. Après la guerre, Peter Lorre n'aura pas la carrière qu'on aurait pu attendre du héros, donc du M le Maudit. Il va retourner en Allemagne pour y tourner son propre film, au titre très évocateur, c'est L'Homme perdu d'Erferlo Ronemann. Oui, il a eu en même temps une très belle carrière du point de vue numérique, nombre de films. Il est passé par l'Angleterre d'ailleurs. Il a tourné avec Hitchcock, deux films avec Hitchcock. Je crois que c'est important, oui, de dire quelques mots de ce film qu'il a fait en Allemagne en 51, parce que il est retourné en Allemagne, comme Fritz Lang retournera en Allemagne, le diabolique Docteur Mabuse, le dernier film de Fritz Lang. Et alors, ce film de Peter Lorre est très intéressant, parce que Lorre y reprend d'une certaine façon son rôle de Hans Beckert. C'est un film qui se passe immédiatement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parmi des gens qui ont été, en tout cas des nazis, qui ont travaillé sur des armes bactériologiques. Donc on retrouve l'idée du mal, de la contamination, et il joue lui-même donc le rôle de quelqu'un qui est comme Hans Beckert, qui a des accès de folie, mais qui ne se souvient même pas qu'il a tué. C'est un tueur de femmes, pas de petites filles, mais un tueur de femmes, et il tue sa propre femme. Il reprend ce rôle en faisant de celui que Goebbels voyait comme un criminel nécessairement juif, en faisant de ce criminel un nazi qui est complètement fou en même temps, qui a des crises de démence. Un film qui sera boudé par le public allemand. Peter Lorre meurt le 23 mars 1964. Merci Jean-Loup Bourget, vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Hollywood, un rêve européen, chez Armand Collin, Fritz Lang, Lady Killer, chez Puf, et vous avez participé à l'ouvrage collectif Vienne et Berlin à Hollywood, toujours chez Puf, et bien sûr, à regarder, on ne s'en lasse pas, le film M le Maudit de Fritz Lang, disponible en DVD chez Opening, avec dans le même coffret Le Testament du Docteur Mabuse. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement complet d'ambiance, je raconterai l'histoire du couple méconnu que formaient Napoléon et Laetitia Bonaparte, la relation parfois orageuse mais toujours passionnelle entre cette mère et ce fils au destin exceptionnel. Napoléon et Laetitia Bonaparte de mère en fils, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais tout de suite, après le flash, c'est Edouard Baird qui vous attend, lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.